بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant le chapitre de la fermeté tiré du Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Et on avait commencé un sous-chapitre dans lequel l'auteur aborde plusieurs textes, plusieurs hadiths liés à différents éléments de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un hadith, la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Al-Ju'aïd, qui dit سمعت السائب ابن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. Et donc ici il nous dit Al-Ju'aïd, il dit qu'il a entendu السائب ابن يزيد dire le صاع à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Le صاع, c'est quoi un صاع? Un soir, c'est donc c'est une quantité. Et c'est quelle quantité? Une quantité de quoi? C'est une quantité qui représente combien? Donc ça, ce que tu fais les deux mains tendues, c'est un moud. Ok, le soir, c'est combien de moud? Non. Le soir, c'est 4 moud. Ah, 4. D'accord? Et donc là, il dit... Le sa' à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam représentait un moud et un tiers du moud que vous utilisez aujourd'hui. Et certes, vous avez rajouté. Et certes, on en a rajouté. Tayyib, et donc ici, barakallahu fikum, dans ce texte, il nous montre un point important, c'est la mesure concernant le sort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel les gens de Médine et Mecca étaient unanimes. Donc ça, c'est un des sujets de ce sous-chapitre, les sujets sur lesquels les gens de Médine et Mecca étaient unanimes. Parmi ces sujets-là, il y avait le sort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela donc qu'il attire l'attention lorsque Benu Umayya, ils ont changé la valeur du sort. Eh bien, on remarque ici que les compagnons, ou du moins que les musulmans, prenaient encore en compte Benu Umayya, donc c'était ceux qui gouvernaient. Lorsqu'ils ont changé la valeur du sort, les musulmans prenaient encore en compte le sort du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant leurs adorations, zakat al-fitr. Mais concernant les autres sujets, ils utilisaient leur nouveau sort à eux. Et donc, peu importe les mesures que les gens utilisent, comme aujourd'hui, nous, on utilise des kilogrammes. On utilise des kilogrammes. Est-ce que ça veut dire qu'on doit délaisser le sort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui était connu à son époque? Non, on garde encore cette mesure. On garde encore cette mesure, car nous en avons besoin pour l'accomplissement des actes d'adoration. Et dans les sujets mondains, on utilise nos kilogrammes, on utilise nos mesures, etc., etc., etc. Tayyib, et donc... Oui. Ça veut dire que le sa, il a équivaut à tant de kilos. Exactement. Et donc le sa, aujourd'hui, il équivaut, de manière générale, le sa, il ne va pas dépasser 3 kilos. Il ne va pas dépasser 3 kilos. Tayyib, donc l'auteur qui cite encore, d'après Anas ibn Malikin, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. Donc Anas ibn Malik رضي الله عنه dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a invoqué en disant ô Allah, accorde-leur la bénédiction dans leur mesure, ô Allah, donc leur unité de mesure, ô Allah, accorde-leur la bénédiction dans leur sa' et dans leur mud, c'est-à-dire les gens de Médine. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué justement pour les gens de Médine concernant leur mesure, leur sort, etc. Il a invoqué la baraka, la bénédiction pour eux. Et donc ici, il y a le respect que nous devons avoir quant à, donc, quant à cette ville, la ville de Médine, ainsi que ses habitants, sauf concernant les droits d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, nous respectons les habitants donc de Médine, sauf si la législation musulmane nous appelle à ne pas respecter un tel. Parce qu'un tel a dévié ou telle et telle chose. Et donc, mais ce hadith nous montre justement les mérites des gens de Médine. On a un sujet, par exemple, les gens qui font partie des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens que nous devons aimer, que nous devons respecter par rapport à cette ascendance qu'ils ont. Mais est-ce que cet amour que nous ressentons pour eux est un amour absolu? Non. C'est un amour qui va encore une fois être lié à la législation musulmane. S'il y en a un qui a délaissé l'islam, qui n'est plus musulman, ou alors qui est un transgresseur, etc., etc., et donc nous, cela va être pris en compte. Ensuite, l'auteur rahimahullah, qui nous dit, toujours d'après Anas ibn Malik, radiallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, tala'alahu uhudun. فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. Et donc d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Uhud, la montagne de Uhud, donc la montagne, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une montagne, Uhudun est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Ô Allah, certes Ibrahim a rendu la Mecque sacrée et certes moi je rends ici Mabeyna al-Batiha, c'est-à-dire Médine, et donc ici moi et moi je rends Médine comme en tant que lieu sacré. Et donc ici dans ce hadith on comprend clairement barakallahu fikoum le caractère sacré de Médine et de la Mecque. Subhanallah, Ibrahim alayhi salam a béni, a été la cause du caractère sacré de la Mecque, et ce qui nous montre l'importance de cette ville. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé la ville de la Mecque lorsqu'on l'empêchait de pratiquer sa religion dans cette ville. D'où l'importance que le musulman ne s'accroche pas à une ville. Tu t'accroches à Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, tu peux aimer telle ville, etc. Mais tu vas là où on te permet d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, barakallahu fikum, dans ce hadith, le fait que la montagne de Uhud est une montagne qui nous aime. Est-ce qu'une montagne peut aimer? Eh bien, écoutez les frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la montagne, elle nous aime. Elle nous aime. Nous ne savons pas comment elle nous aime. Mais nous affirmons ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parce que lui, il vient nous transmettre les informations de celui venant de celui qui a créé toutes choses, dont cette montagne. Comme les animaux. Voilà, toute chose. Allah dans le Coran, il nous dit que toute chose prône la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala. Prône la pureté. Toute chose prône la pureté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous ne savons pas comment. Mais nous l'acceptons. Parce que c'est la vérité qui vient d'Allah azza wa jal. Et donc même chose pour cette montagne. Barakallahu fikum. Donc c'est une montagne qui nous aime et que nous, les croyants, nous aimons. Le hadith d'après, donc d'après Sahl, أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاة. Et donc il nous dit, Sahl radiallahu anhu, qu'il y avait entre le mur de la mosquée, qui était du côté de la Qibla, le mur de la mosquée qui était du côté de la Qibla, il y avait entre ce mur-là et le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une distance permettant de laisser passer donc une brebis. Une brebis pouvait passer donc entre le mur et le mimbar. Et donc ça, ça nous montre où était le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous montre aussi, puisque le prophète, il priait à côté du mimbar, ça nous montre aussi donc que l'imam, le prieur, doit se rapprocher de sa qibla, de la sutra. Ce n'est pas convenable qu'il se passe ce qu'on voit beaucoup ici, du moins quand je dis ici, c'est-à-dire dans beaucoup de mosquées, que ce soit en Martinique ou en France ou ailleurs, eh bien les gens, ils vont délaisser le fait, lorsqu'ils arrivent dans la mosquée, qu'ils veulent faire une prière surrogatoire. Ils vont aller prier dans le fond de la mosquée, au lieu d'aller prier au niveau de la sutra. C'est quoi la sutra? C'est quoi la sutra? Là où l'imam, la sutra en fait, c'est ce que tu mets devant toi quand tu veux prier, que ce soit l'imam ou pas l'imam. Lorsque tu pries tout seul, tu viens dans un endroit, la sunna, c'est que tu mettes une sutra devant toi, quelque chose qui soit à peu près de la hauteur d'une selle qu'on va mettre sur les chevaux, d'accord? Et donc, tu vas mettre cela devant toi, par exemple, tu peux prendre cette bouteille d'eau, que tu viens, tu poses et tu la mets devant toi. Ça, c'est s'il n'y a pas de mur. S'il y a un mur, tu vas, tu avances directement, tu te mets au niveau du mur et tu pries. D'accord ? Maintenant, ce qui est problématique, c'est que quand tu arrives dans une mosquée dans laquelle il y a des murs, il y a des poteaux, il y a tout ce qu'il faut, eh bien, les gens, ils vont délaisser cette sunna pour aller prier dans le fond de la mosquée. Et ça, c'est un manque de respect, ou du moins ça, c'est une contradiction à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'aller au premier rang, c'est tout le temps. Même chose, exactement, voilà. Il y en a qui le vendredi, au lieu d'aller devant, ils vont aller derrière. Qu'Allah facilite. Ensuite, mashallah, l'auteur qui nous cite d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là, ce qu'il y a entre ma demeure et mon minbar est un jardin parmi les jardins du paradis. Et certes, mon minbar est sur mon bassin. Mon minbar est sur mon bassin. Et donc, ce qu'il y a entre ma demeure et mon minbar est un jardin parmi les jardins du paradis. Ici, les savants, ils ont divergé quant au sens de ce hadith. Qu'est-ce qui est voulu? Certains, ils nous disent, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre donc le caractère méritoire de Médine, de sa mosquée, et spécifiquement cet endroit-là, dans lequel donc il se rassemblait avec les gens pour leur donner des cours, pour faire l'askar, etc., etc., etc. Et donc cet endroit-là, il l'a comparé à un jardin parmi les jardins du paradis, puisque justement c'était un lieu où il se rassemblait pour apprendre et pour enseigner, donc le prophète et ses compagnons. Et donc, ce lieu-là est un lieu qui est une cause menant au paradis. D'accord ? Un jardin parmi les jardins du paradis, c'est-à-dire une cause qui mène au paradis. De la même manière que, donc, souvent, on entend le fait de dire le paradis est, donc, ou alors la mer est une porte du paradis. C'est-à-dire que le fait, la piété envers la mer, la bonté envers la mer, est une cause qui mène au paradis. D'accord ? Et donc, c'est pas que la mer, elle est, elle-même, c'est la porte du paradis, mais c'est une cause qui mène au paradis. Donc, certains savants ont dit cela. D'autres savants, ils disent, non, réellement, cet endroit-là, au jour de la résurrection, donc, ça sera un, donc, des jardins, parmi les jardins du paradis. Il y a aussi, donc, le fait qu'il est cité que son mimbar soit au-dessus du bassin. Donc encore une fois, les savants qui ont divergé, certains qui vont dire que le mimbar, ce mimbar-là, Allah tabaraka wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va donc placer le même mimbar au-dessus du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants disent, ce qui est voulu ici, c'est que ce mimbar-là, sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses sermons, faisait ses discours, c'est une cause aussi menant au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens puissent justement s'abreuver de ce bassin. Et donc, en réalité, c'est le fait de nous inciter aux assises de science, aux rappels, etc. Et d'autres savants vont nous dire non, il y a dans ce hadith le fait de nous inciter à prier, à accomplir des actes d'adoration à cet endroit-là. C'est pas aux assises de science. Oui, nous devons, bien sûr que la législation nous appelle à assister aux assises de science, assister aux cours, parce que de toute façon, comme il a été cité dans un autre hadith, les assises de science, ce sont des jardins du paradis. Les assises de science sont des jardins du paradis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, inna lillahi malaikatan, donc certes Allah a des anges qui voyagent sur terre, et qui recherchent les assises de science, Et quand ils voient des assises de science, ils disent, irta'u, et donc asseyez-vous, installez-vous dans un des jardins du paradis. Et donc l'assise de science est un des jardins du paradis, une cause menant au paradis. Et donc, les savants nous disent que la législation musulmane nous appelle à donc profiter des assises de science. Mais ce hadith-là, non, il nous dit ce hadith-là, il nous pousse à prier, à accomplir des actes d'adoration à cet endroit-là, c'est-à-dire entre donc la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son mimbar. Et le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, insha'Allahu ta'ala. Ou alors non, celui-là on va laisser pour bi'inillahi ta'ala la semaine prochaine. Naam. On va arrêter donc là pour aujourd'hui. Inch'Allahu ta'ala wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.